Maman, dans tes bras, j'étais invincible. Dans tes bras, j'étais indestructible. Je trimballais partout ton amour dément, comme un trésor aux ors étincelants. Je le cachais des regards envieux, du monde brutal, chevalier presque preux. Notre plus belle histoire d'amour, c'est toi, c'est toi.